Oui, ben, grâce aux 110 bénévoles qui ont travaillé fort pour accueillir 70 participants de 5 pays, on peut affirmer effectivement qu'on a connu un succès cette année. Tout le monde était enchanté, aussi bien les partenaires que les participants, et on a fait une belle